stickers. J'ai insulté des PD, des pédales, pété des pétasses, épelé des syllabes, le pélo et pas l'audi, casse mirave mon felo, il fallait le pilon carafolé. T'as vu la volée de coller les mollets, puis avaler mon chip de poney. T'as même plus de but, c'est plus dur, cette pute suspecte qui hucule, but même plus de but, un jour j'usure dur, vu que c'est que le fut, j'en suis sûr. Ça vient des sous-sols et salis saoulés, ensorcelés, des insolents salauds, j'suis là, mais mon passé sans le cello. En direct de Montreuil sous bois, bouge pas un coup de coude, un coup bas, si tu veux finir, quelqu'un le loupe pas. Déterminé, ma terre est minée, des soifards qui pensent qu'à piner, à faire de l'argent pour le dilapider. Mon père, on pourrit par l'empire et désespère, repère les ports avant qu'ils enfoncent la porte des parents. J'ai zappé ma vie car j'ai aucune réception. Quelle déception, j'suis comme parano partout, j'vois que des espions. Eh, hey, tu sais, Jack, c'est Senza, cherche pas plus loin, un coup de surinséré sur un sourire, j'veux m'insérer, il me bloque la serrure. Balader la rime au katana, crois-moi, c'est comme prendre ta nana, la face cachée sous un bandana quand t'es pas là. L'homme aussi, millions de flots, millimètre, mêlant la mélo que même un momile l'était maîtresse, si j'suis plaidé, j'libère toujours du seum bien visère, résonne dans toute l'hémisphère, l'instru est comme une pute que j'dois satisfaire. La haine m'a contaminé, le cerveau, le mur depuis le berceau, l'esprit fait des houlaou comme un cerceau, le micro saigne, un assassinat. Sombre est mon climat, pourquoi être debout ailleurs si j'suis assis là? Tu peux peinard, personne t'écoute. C'est 9-300 Montreuil qui découpe. Dans mon atmosphère, tu découpes. Tu peux peinard, personne t'écoute. C'est 9-300 Montreuil qui découpe. Dans mon atmosphère, tu découpes. Tu peux peinard, personne t'écoute. C'est 9-300 Montreuil qui découpe. Dans mon atmosphère, tu découpes. Tu peux peinard, personne t'écoute.